Bonjour. Quel rôle un séminaire sur la science de l'esprit peut-il jouer dans votre vie? Il va vous permettre, ce séminaire, d'ouvrir vos portes sur le monde de la pensée et également de comprendre un peu mieux votre vie personnelle en lien avec tout ce qui gravite autour. Parce que la science de l'esprit, c'est l'étude de ses craintes, c'est l'étude du doute, c'est l'étude de la culpabilité. Ce sont là de grands thèmes dans une vie, dans la vie d'une personne. Et la science de l'esprit, c'est une vibration en tant que telle qui permet à la psyché de prendre contact avec son essence réelle. C'est-à-dire que vous êtes une âme, mais vous êtes aussi un esprit parce que vous êtes interconnecté à une intelligence qui s'appelle le double cosmique. Et ce double cosmique-là doit se rapprocher de vous-même. Donc, le rôle que le séminaire va faire, c'est cela en premier lieu, vous amener à être un peu plus scient de votre relation avec l'invisible. À long terme, à quoi doit-on s'attendre, donc, d'un séminaire du genre? Et à court terme? À court terme, je vous dirais un meilleur équilibre au niveau de sa psyché pour lire les événements qui peuvent arriver dans votre vie soudainement. Et sur le long terme, vous allez sentir une construction beaucoup plus solide qui se fait à l'intérieur de votre capacité à comprendre c'est quoi une pensée, mais aussi c'est quoi votre propre conscience en lien avec la programmation difficile ou facile que vous vivez par rapport aux oppositions qu'une programmation d'âme peut amener à une personne. Parce que si on ne comprend pas sa programmation et si on ne comprend pas aussi le milieu dans lequel on évolue ou dans le milieu dans lequel on a décidé de s'incarner, c'est très difficile de développer une conscience. Donc, le séminaire met en éveil la réalité qu'une programmation, ça doit être une lecture très précise pour une personne afin qu'elle puisse se sortir en général de son passé. Comment ce séminaire peut-il se démarquer en relation avec ce qui se fait dans ce domaine par rapport à la science de l'esprit? C'est simple, c'est que d'abord il y a une vibration parce que c'est souvent un séminaire, c'est souvent quelque chose d'impersonnel. Et c'est aussi personnel en relation avec l'information qui doit circuler. Donc, il y a une capacité d'intégration beaucoup plus grande de l'énergie dans un séminaire parce que vous êtes mis en suspens en relation avec votre ego. Vous êtes obligé d'être présent à la psyché de ce qui se passe en lien avec l'esprit parce que la présence de l'esprit est très forte au cours d'un séminaire. Et celui-ci se rapproche nécessairement de votre conscience parce que l'astral peut être tassé pour plusieurs jours et même voir, il y a des portes qui peuvent être fermées et il y en a d'autres qui peuvent être ouvertes en lien avec votre identité. Donc, une fausse identité peut facilement être confrontée à une fracture très, très grande dans un séminaire parce qu'elle oblige la personne à prendre conscience de son interconnexion avec les plans. Donc, voilà ce que peut amener le séminaire « La science de l'esprit ».